Tu me demandes, prince, que je te dévoile les dessins de Nastassia Philippovna. Oui, ils sont noirs, ces dessins. Et perfides, ô combien. Mais encore, général. Eh bien, il suffira que je te dise que Nastassia Philippovna cherche à déshonorer notre famille. Pour ce faire, elle propage les bruits les plus fâcheux sur Eugène Pavlovitch. Or, tu n'ignores pas qu'Eugène Pavlovitch désire épouser ma fille cadette, Aglaé. Aglaé ? Je croyais qu'il était le prétendant d'Alexandra Ivanovna. Oui, mais tout est changé. C'est avec Aglaé qu'il veut maintenant se marier. Ah ? Ce mariage est-il désirable ? Je me demande cela aussi, après le suicide de son oncle. Ce qu'a dit Nastassia Philippovna est donc vrai ? L'oncle d'Eugène Pavlovitch s'est suicidé ? Hélas, oui. Il était complètement ruiné. Moi qui pensais que son oncle allait lui laisser un gros héritage, c'est une catastrophe, une véritable catastrophe. Je te prie de croire que je n'accuse pas Eugène Pavlovitch, mais tout cela est suspect. Pourquoi suspect, général ? Écoute-moi, prince, je n'insinue rien. Je veux bien croire que la fortune personnelle d'Eugène Pavlovitch est à l'abri et que ses sentiments envers Aglaé sont sincères. Bref, que Eugène Pavlovitch est un homme d'honneur. Cependant ? Imagine-toi que tout à l'heure, Aglaé nous a brusquement annoncé que Nastassia Philippovna avait formé le projet de la marier avec toi, prince, et que c'est pour cela qu'elle a tenté de chasser de notre maison Eugène Pavlovitch. Mais c'est absurde! Pourquoi Nastassia Philippovna voudrait-elle me voir épouser votre fille Aglaé Ivanovna? D'ailleurs, j'ai dit et redit pas plus tard qu'aujourd'hui que je ne voulais pas me marier. Vous m'entendez, général? Certes, j'ai beaucoup d'affection pour Aglaé, mais je me considère comme indigne d'elle. Et puis, général, il y a d'autres raisons qu'il m'est pénible d'avouer, mais qui m'empêchent de contracter un mariage. Avec n'importe quelle femme. Calme-toi. Je t'ai dit cela parce que j'ai une confiance sans borne en toi et parce que je t'aime comme mon propre fils. Je te préviens donc, Aglaé est une enfant capricieuse, autoritaire et parfois méchante. Non, de grâce, ne te fâche pas. Ne fais pas attention lorsqu'elle te tourne en dérision et qu'elle te demande si tu as l'intention de l'épouser. Voilà, c'est tout. Maintenant, il faut que je te quitte, je dois encore rencontrer quelqu'un. Adieu, et sache, quoi qu'il arrive, que la porte de notre maison t'est toujours ouverte. Resté seul, je traversai la rue et m'approchai d'une des villas éclairées. Je dépliai le petit billet qu'Aglaé Ivanovna m'avait glissé dans la main avant de disparaître, et je lus ce qui suit. Presse, je vous attendrai à 7 heures du matin, dans le parc, sur le banc vert. Je suis décidée à vous parler d'une affaire importante et qui vous concerne directement. J'espère que vous ne montrerez ce billet à personne, bien que ma conscience me reproche de mettre en doute votre discrétion. Je le fais quand même, car vous êtes un être impossible. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans votre tête, et je rougis souvent de honte pour vous. Attention, prince, c'est le banc vert que je vous ai montré tout à l'heure. Vous êtes encore capable de le confondre avec n'importe quel banc. Une émotion inexprimable voisine de l'effroi s'empara de moi. Je glissai rapidement le billet d'Aglaé dans ma poche. Et, faisant un bond de côté, je sortis du cercle de lumière comme un voleur surpris. C'est alors que quelqu'un me toucha l'épaule dans la demi-obscurité. C'était le boxeur Keller. Je vous ai suivi, prince. Et pourquoi cela, monsieur Keller ? Pour me mettre à vos ordres. Disposez de Keller. Je suis prêt à me sacrifier et même à mourir pour vous. S'il le faut. Vraiment ? C'est très généreux de votre part, mais je ne vois pas à quelle occasion vous pourriez le faire. Écoutez, prince. Vous allez sans doute recevoir une demande de réparation de la part du capitaine Molotsov. Il ne pourra pas oublier qu'on l'a insulté publiquement. Mais je n'ai pas insulté le capitaine Molotsov, voyons, Keller. Comme il nous prend, Rogojine et moi, pour des canailles indignes de nous battre avec lui, c'est contre vous qu'il se tournera. Oui. Il faudra que vous payiez les pots cassés. Mais enfin, c'est complètement absurde, monsieur Keller. Oui, c'est complètement absurde. Cependant, cela ne change rien à l'affaire. L'injure qui lui a été faite doit être lavée dans le sang d'un homme bien né. Et c'est votre cas. Il s'est informé à votre sujet. Et demain, probablement, vous recevrez la visite d'un de ses amis, s'il n'y a pas déjà un qui vous attend chez vous. Chez moi ? Mais vous divaguez, monsieur Keller. Point. Cela m'étonnerait que je me trompe. Prince, faites-moi donc l'honneur de me choisir comme témoin. Je suis prêt à aller en Sibérie pour vous. Entendu, monsieur Keller. Si jamais le capitaine Molotsov me provoque en duel, vous serez un de mes témoins. Mais il n'y aura pas de duel. Je le regrette pour vous. Je n'ai pas offensé le capitaine Molotsov. Si, prince. Vous l'avez saisi par le bras. Un homme d'honneur ne peut tolérer cela. Surtout en public. Mais lui, il m'a donné un coup qui m'a fait rouler à terre. Nous sommes quittes, il me semble. Enfin, s'il le faut, j'irai lui présenter mes excuses. Et tout sera dit. Mais c'est qu'il n'acceptera pas vos excuses, prince. Je vous le répète. L'insulte portée à l'uniforme d'un officier ne peut être lavée que dans le sang. Le code d'honneur l'exige. S'il n'y a pas réparation, il ne reste plus à l'officier outragé qu'à quitter l'armée. Ah. Si c'est ainsi, eh bien, je me battrai. Qu'il tire sur moi. Qu'il lave dans mon sang son uniforme d'officier. C'est une fin comme une autre, après tout. Qu'importe d'ailleurs le genre de fin qu'on nous offre, l'essentiel, c'est de s'échapper de la prison qui est notre corps et de rejoindre le ciel et les astres. Oh, quel air! Il faut que je vous embrasse. Tenez, venez chez moi le jour de mon enterrement. Je dirai à Lebedev qu'il vous donne 12 bouteilles de champagne. Et s'il refuse de vous les remettre, allez les chercher dans la cave. Et maintenant, adieu, cher Keller, j'ai un rendez-vous. Vous feriez mieux de rentrer chez vous, prince. Vous êtes bien agité. Vous devez avoir de la fièvre. De la fièvre? Oui, j'en ai sans doute, mais j'ai également un rendez-vous. Et ce rendez-vous est plus important que la fièvre. Un rendez-vous? Avec qui, prince? Puis-je me permettre de vous le demander? Mais... avec moi-même. Adieu, Keller. J'avançais droit devant moi comme fouetté par une cravache, sans pensée ni désir. Mon cœur battait à tout rompre. La sueur mouillait mon dos, mais mon corps était glacé. Je ne peux pas dire combien de temps je marchais ainsi à travers les allées du parc désert. Quelques minutes, une heure, deux peut-être, je n'en sais rien. J'avais perdu la notion de temps, et la notion de lieu également. Je m'arrêtai soudain devant un vieil arbre, aux troncs brûlés par la foudre et aux branches mutilées. Je venais de comprendre que le boxeur Keller n'était probablement pas seul à prévoir le duel. Et que le désir exprimé par Aglaé Ivanovna que je me procure au plus vite un pistolet et que je m'exerce au tir n'était pas dû à sa seule fantaisie. Je me sentis triste et surtout très fatigué. Fatigué de m'occuper des affaires des autres, de me réjouir de leur réussite et de souffrir de leur douleur. Je me laissai tomber sur un banc. La nuit était tiède et sereine. Sous mes pieds gisaient des feuilles mortes. Une brume légère s'accrochait au sommet des arbres. Je fermai les yeux et sombrai bientôt dans une sorte d'inconscience. De nouveau, des minutes ou des heures s'écoulèrent sans que je m'en rendisse compte. Tout à coup, je tressaillis. Quelqu'un, sans faire de bruit, s'était assis à côté de moi sur le banc. Je tournai la tête. C'était Parfen Rogojine. Je savais bien que je te trouverais quelque part ici, prince. Et maintenant, que cela te plaise ou non, il faudra bien que tu m'écoutes. C'était L'Idiot, un feuilleton de Georges Govy inspiré de Dostoïevski, avec Pierre Vanek, le prince Mishkine, Marcel Bozufi, Parfen Rogojine, Ginette Taffin, Aglaé, Georges Géret, Keller et Pierre Bertin, le général Yepanchine. Musique d'Edgar Cosma. Production réalisée dans les studios de la RTF à Nice par Yves Dariet, avec la collaboration de Jacques-Élie Moreau et le concours de la troupe dramatique régionale.